Chapitre 13e, le complot. Nous allons nous retrouver une fois encore dans cet appartement où Charles de Mantoue et Valentin nous ont fait part de leur projet sur Guillaume. De Mantoue, accoudé sur un large fauteuil, les mains perdues dans ses cheveux longs et épais, le front sombre et le regard terne, semblait écouter. « Dame, mon maître, disait Valentin, ce n'est pas ma faute si messire Guillaume, que Dieu confonde, a voulu absolument aller se battre et faire tuer son ami pour se rendre important. Ne pouvant empêcher sa sortie, n'avais-je pas fait assez pour que sa bravoure ne le conduisît qu'à la mort? Et tout cela tourne contre nous, car la résistance qu'il a trouvée sur le champ de bataille n'a servi qu'à le faire mieux remarquer par messeigneurs Anzo de Cérès et de Brion, qui, étonnés d'avoir, dans le choix qu'ils ont fait, oublié un chevalier de cette valeur et de ce mérite, comme ils disent, viennent de le nommer commandant de la tour Sainte-Paul. Nous jouons gros jeu, messire, sans compter que le gentilhomme, à l'heure qu'il est, sait à n'en pouvoir douter qu'il est aimé de Dame Améliane. » Charles releva brusquement la tête. Un sombre éclair passa dans ses yeux. Il concentra néanmoins sa fougueuse colère. « Ils se sont donc vus ? » demanda-t-il avec un calme apparent. « L'autre soir, quand je vous quittais, » reprit sans s'émouvoir le fils de Catherine, « Monseigneur du Puget déclarait son amour à très haute dame de Glandevesse. Leur entretien fut long. Dame Améliane écoutait, mais sire Guillaume était à ses genoux et lui disait « Dieu me donne, je le tuerai, cet homme !» s'écria Charles, dont la fureur ne connut plus de bornes. « Prenez garde, monseigneur, » dit Valentin d'un ton d'ironie, « on ne se débarrasse point ainsi d'un gentilhomme. Je le provoquerai en duel, et j'aurai son sang, » fit de Mantoue, comme répondant à sa pensée. « Ce ne serait pas mal imaginé, messire, d'autant plus que vous avez deux raisons au lieu d'une pour en agir ainsi. Que veux-tu dire? Je ne te comprends pas. Je le crois bien. Savez-vous le véritable nom de messire Guillaume? Mais du Puget, je pense, » répondit Charles, étonné. « Du tout, mon maître. Monseigneur Guillaume a l'honneur de vous appartenir de très près. Il se nomme tout simplement Guillaume de Mantoue, et des parchemins en règle prouvent que votre fortune est à lui. » De Mantoue se leva livide. « En es-tu sûr ? » demanda-t-il, hésitant. « Oui, monseigneur, » répondit résolument Valentin. « Et comment le sais-tu ? Mais vous devriez le deviner, messire. Ne m'avez-vous pas ordonné de suivre et d'épier le chevalier ? Je vous ai obéi. Caché avec adresse dans son propre appartement, j'ai surpris ses secrets, qu'il confiait à Thibault. « Mon père mourant disait donc vrai ?» murmura de Mantoue en retombant assis avec accablement. « Il existe quelqu'un à qui je dois compte de ma fortune. » Il resta longtemps accablé. Le serviteur gardait aussi le silence et semblait heureux des craintes et de l'effroi qu'il venait de jeter dans l'esprit de son maître. « Valentin, » dit enfin Charles, « tu comprends qu'il est urgent de s'emparer de ces papiers. Je les ai, messire. » Le gentilhomme eut toutes les peines du monde à réprimer un mouvement de folle joie. « Combien veux-tu me les vendre ?»« Rien, » dit sèchement Valentin, « je les garde. »« Qu'en feras-tu ? » ?»« Au besoin, une arme contre vous, messire. » Le sang bouillonna dans les veines de Charles. Valentin l'observait. « Ne nous fâchons pas, messire, » poursuivit-il en riant, « sous peine de laisser en repos monseigneur Guillaume de Mantoue. D'ailleurs, c'est un fait accompli. J'ai volé les parchemins, je les ai mis en lieu sûr, et ils pourront me servir dans l'occasion. » De Mantoue réfléchit un instant. « Au fait, rien n'est plus juste. Ce qu'on vole est à soi, » reprit-il en essayant de sourire à son tour. « Tu peux donc les garder. Je te l'ai dit bien souvent, Valentin, tu es un serviteur incomparable. Tiens, au lieu de nous quereller, asseyons-nous et causons. Voyons, il faut sortir de là à tout prix. Surtout ne pas oublier que Dupuget est maintenant commandant de la tour Sainte-Paul. » « Comme il se radoucit, » pensa Valentin. « Voilà pourquoi nous pourrons le perdre plus facilement, » dit-il en élevant la voix avec assurance. « Sais-tu comment en finir ? » demanda vivement de Mantoue. Valentin se recueillit un moment, puis sembla prendre une résolution subite. « Écoutez, maître, messire Guillaume n'est pas le seul à m'avoir livré ses secrets. Pendant que j'étais dans la tente du connétable, celui-ci en dévoilait un à ses officiers. Il aurait pu me coûter bien cher, car si de Bourbon m'avait soupçonné, j'étais pendu sans miséricorde. C'était donc bien le moins de nous en servir, puisqu'il peut être utile à nos projets. Y consentez-vous, monseigneur ? Mais sans doute, » dit de Mantoue. Ce soir, la brune, reprit alors lentement Valentin, six étrangers escaladeront les murailles qui touchent à la tour Sainte-Paul. Ils entreront silencieusement dans la ville pendant la nuit. Ils tenteront d'ouvrir une porte par où les ennemis leur fèrent d'armes pour entrer dans Marseille pour y mettre le feu. Puisque vous le voulez, monseigneur, je les suivrai. Je les ferai saisir. Ces étrangers avoueront, quand on les aura pris, qu'ils ont escaladé les murs au pied même de la tour Saint-Paul. Messire Guillaume, qui en est commandant, sera accusé par moi, s'il le faut, d'avoir favorisé les traîtres, ou tout au moins de n'avoir pas veillé. Alors, si on ne le fait pas passer par les armes, comme le demanderont les habitants, on l'emprisonnera du moins jusqu'à nouvel ordre. Qu'en pensez-vous, monseigneur ? Charles resta stupéfait. Mais sa sortie d'hier, et ce long combat, ce combat acharné, dans lequel il a sacrifié son ami, ne prouvent-ils pas contre ta déposition ? Observa-t-il. C'est précisément ce qu'il appuiera, repartit Valentin. Hier, lui, qui ne s'est point montré depuis le commencement du siège, est sorti de la ville avec un détachement, soi-disant pour combattre, mais en réalité sans motif raisonnable. Ils arrivent, les Espagnols sont embusqués, ils massacrent nos soldats, ils égorgent Vincenzo, qui veut les défendre, mais messire Guillaume retourne sans avoir reçu la plus légère blessure. Alors il affecte une grande douleur de la perte de son ami, et il finit par exciter les sympathies de toute la ville, et se fait nommer commandant de la plus importante de nos tours, au moyen de laquelle il favorise les Espagnols. « Tu es un précieux serviteur, Valentin, » s'écria de Mantoue, « car ton projet est si bien conçu qu'il doit sûrement réussir. » Et puis, continua le serviteur, « n'est-ce pas un Dupuget qui a livré la ville d'Aix ? Ce nom seul suffira pour soulever le peuple. »« Vive Dieu !» répliqua joyeusement Charles. « Tu es un habile homme, Valentin. Donc, fais ainsi que tu l'entendras. » Et la récompense surpassera de beaucoup tes services. Surtout, ne prononce point mon nom dans cette affaire. Soyez sans inquiétude, monseigneur, je prends tout sur moi. Le lâche, murmura-t-il en sortant, qu'il prenne garde. Pourrait-il croire à mon dévouement? Mais si je le sers contre Améliane, c'est que je me venge ainsi de toute la tendresse que ma mère lui a témoignée. Sans cela, j'aurais peut-être protégé Guillaume contre ce damné de Mantoue. Au fond, c'est un bon et noble chevalier qui m'intéresse, malgré moi. Si beau, si triste, dit Valentin. Puis, voyant qu'il commençait à s'attendrir, « Saint Dieu, poursuivit-il, Dame Améliane, vous m'avez volé la bonne moitié de mes caresses. Il faudra bien que je vous en fasse repentir. C'est votre faute, monsieur Guillaume. Jamais vous n'eussiez dû prendre le parti de la dame de Glandevesse. Je ne suis pas gentilhomme, moi, mais qu'importe. Malheur à qui se met en travers dans ma route. » Charles de Mantoue, resté seul, disait en marchant avec agitation, « Décidément, ce Valentin est un homme à craindre. Je le ferai pendre sans pitié quand il aura terminé son œuvre. En attendant, méfions-nous. »